Nous avons laissé Pierre tout au début de son apprentissage de disciple de Jésus-Christ. Après l'expérience de la pêche miraculeuse, nous le retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle étape de sa formation à l'école du Seigneur. Et je vous propose d'ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, la deuxième moitié du chapitre. Matthieu 16. Tout porte à croire qu'à cette époque, Jésus était déjà très populaire. On parlait de lui, on discutait à son sujet. Les uns pensaient qu'il était Jean-Baptiste ressuscité, d'autres le prenaient pour Élie, pour Jérémie ou pour quelque autre prophète de l'Ancien Testament. Quant aux disciples, ils ne s'étaient encore jamais prononcés sur l'identité du Seigneur. Que pensaient-ils? Que croyaient-ils le concernant? Jésus les met en quelque sorte à l'épreuve lorsqu'il leur demande, Matthieu 16, verset 15, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Je ne sais pas si cette question a surpris les disciples et s'ils ont hésité avant de répondre. Toujours est-il que Pierre a devancé ses collègues en affirmant spontanément, verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Une déclaration franche procédant chez Pierre d'une foi convaincue qui a fait dire au Seigneur « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 17. Simon-Pierre était pêcheur de profession. C'était donc un homme simple, sans grande instruction. Actes, chapitre 4, verset 13. Mais la révélation divine n'est pas l'apanage exclusif des sages et des grands de ce monde. Au contraire, elle est accordée en priorité aux gens simples et aux humbles. Jésus l'a bien exprimé dans sa prière qui nous est rapportée en Matthieu 11, versets 25 et 26. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » L'esprit de révélation, qui est le Saint-Esprit, avait donné à Pierre de comprendre ce que les grands rabbins de l'époque n'avaient pas compris. Jésus était, Jésus est, le Fils du Dieu vivant. Une révélation qui n'émanait pas de la seule intelligence de Pierre, mais qui procédait de Dieu lui-même. Aussi le Seigneur a-t-il jugé que le moment était venu pour faire connaître à Pierre ses plans d'avenir par rapport à son Église. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, versets 18 à 19. C'est la toute première fois dans le Nouveau Testament que le Seigneur mentionne son Église, cette Église qui va naître au jour de la Pentecôte. L'Église universelle des croyants, rachetée par le sang expiatoire de Christ. Par ce passage, nous savons que cette Église doit être bâtie sur un roc inébranlable. Un fondement qui ne peut être que Jésus-Christ lui-même. Ce que l'apôtre Paul a bien précisé dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11. « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Mais alors, que veut dire Jésus en Matthieu 16, 18, lorsqu'il dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Ce texte a souvent été mal compris ou mal interprété. Si l'interlocuteur du Seigneur, c'est Pierre, en grec « Petros », ce qui peut se traduire par « caillou », le seul fondement de l'Église, c'est Christ, le roc, en grec « Petra ». Petros, Petra. Vous voyez que ce n'est pas le même mot. Christ est le roc, le rocher immuable des siècles dont parle l'Ancien Testament, la pierre angulaire, trop souvent rejetée par les hommes. C'est ainsi que les psaumes et les évangiles nous le présentent. Et selon le témoignage de l'apôtre Pierre lui-même, Christ est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 1 Épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Aux yeux de Pierre, Christ est donc le fondement. Pierre n'a jamais prétendu s'attribuer ce rôle. Tout simplement parce que le Seigneur lui en a confié un autre, bien défini celui-là. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Pourquoi des clés? Lorsqu'une porte est verrouillée, il faut une clé pour en ouvrir la serrure. Or, pendant des siècles, la porte d'accès à Dieu était demeurée fermée, tant aux Juifs qu'aux païens. Mais au moment où Pierre s'est adressé au peuple rassemblé à Jérusalem le jour de la Pentecôte, c'est alors que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, Actes chapitre 2, le chemin a été ouvert jusqu'à Dieu. Ce jour-là, Pierre a en quelque sorte ouvert aux Juifs la porte de la foi donnant accès à Dieu. Plus tard, il a ouvert cette même porte de la foi aux païens en annonçant l'Évangile dans la maison de Corneille, le centenier romain, Actes chapitre 10. Pierre avait donc utilisé les clés du royaume des cieux pour ouvrir la porte de la foi et de la grâce divine aux hommes. Mais lorsqu'une porte est ouverte, on n'a plus besoin de la clé, à moins qu'on ne veuille refermer cette porte. Et comme la porte qui mène à Dieu devait rester ouverte, Pierre avait achevé sa mission particulière. Aussi est-il en quelque sorte rentré dans le rang en s'alignant sur les apôtres et les anciens de l'Église. N'écrivait-il pas dans sa première épître? Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, moi, ancien comme eux. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 1. La mission de Pierre a donc été limitée dans le temps. Pierre n'aurait jamais pu être le fondement de l'Église. N'était-il pas instable, vulnérable, influençable même? Et le contexte de ce passage de Matthieu 16 ne nous le montre-t-il pas particulièrement faillible? Le Seigneur devra même lui dire « Arrière de moi, Satan !» Pourquoi? Dans ce même passage, Jésus annonce à ses disciples ses souffrances et sa mort prochaine à la croix. Alors Pierre proteste, Matthieu 16, versets 22 et 23, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre a été bouleversé à la pensée que son maître bien-aimé doive souffrir. Non, il ne voulait pas qu'un malheur lui arrive. Il ne supportait pas la pensée que les chefs religieux d'Israël l'arrêtent et le torturent, encore moins qu'ils le fassent mourir. En fait, c'était une démarche touchante de la part du jeune disciple qui aimait déjà beaucoup son Seigneur. Mais les pensées de Dieu dépassent et confondent les conceptions naturelles de l'homme. Si bien disposé soit-il, l'homme, livré aux seules ressources de son intelligence, ne peut pas comprendre les voies de Dieu. C'est bien ce que l'apôtre Paul a souligné. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Par ses bonnes intentions, son attachement au Seigneur et son désir de bien faire, Pierre aurait voulu épargner à son maître le supplice de la croix. Mais il ne se doutait pas qu'il s'opposait ainsi, sans le vouloir, au grand plan de grâce et d'amour de Dieu envers le monde. Car si la croix de Christ ne s'était pas dressée un jour sur le mont Golgotha, aucune créature ici-bas n'aurait jamais pu être sauvée de son péché. En effet, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour cela. Peu avant que les Juifs ne l'arrêtent pour le crucifier, il a dit « C'est pour cela que je suis venu. » Jean 12, 27. Et le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix, pas seulement pour expier nos fautes, mais aussi pour vaincre Satan, l'adversaire de Dieu. À la croix, Satan a été désarmé, écrasé, condamné. À la croix, Satan, le prince de ce monde, a été jugé. Jean 12, 31. À la croix, Satan, le prince de la mort, a été dépouillé de sa puissance. Hébreux 2, 14. À la croix, Christ a triomphé des armées de l'enfer, placées sous les ordres de Satan. Colossiens 2, 15. De tout temps, Satan savait ce qu'il attendait. Et s'étonnant alors qu'il ait tout fait pour empêcher sa défaite? Est-ce étonnant qu'il ait cherché à frapper Jésus au jardin de Gethsémané comme s'il avait voulu le faire mourir avant la croix? Mais si Satan s'est opposé à la croix du calvaire, les hommes deviennent souvent des agents de Satan en s'opposant à leur tour à l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Et lorsque le disciple Pierre s'est insurgé contre les souffrances auxquelles Jésus se destinait, il a inconsciemment rejoint le camp de l'adversaire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il faut du temps pour que nous comprenions les pensées de Dieu. Oui, Pierre avait beaucoup de choses à apprendre. Il aimait son maître, mais il ne comprenait encore rien à la mission que son maître était venu accomplir sur la terre. Il se réjouissait peut-être à la pensée que le Fils de Dieu, qu'il venait de reconnaître comme tel, allait un jour régner sur l'Empire romain. Mais il ne saisissait pas que les souffrances de Christ devaient précéder sa gloire. Avant que Pierre ne partage le règne avec son Seigneur, il fallait que son Seigneur règne dans tous les domaines de la vie de Pierre. Si Pierre avait beaucoup à apprendre, nous aussi, nous avons beaucoup à apprendre. Chers amis à l'écoute, êtes-vous d'accord d'apprendre? Voulons-nous à notre tour accepter d'apprendre et nous placer à l'écoute du Maître? Au lieu que nos pensées humaines prévalent ou que notre voix se fasse l'écho de celle de Satan, voulons-nous apprendre au pied de celui qui a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. Alors que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, à l'école du Maître et dans l'étude de sa sainte parole.